Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e épisode de la mécanique des ondes en ce début d'année 2015 que je vous souhaite radiophoniquement bonne, évidemment. Je reçois pendant 3 quarts d'heure Mourad Mokadem, producteur exécutif de la matinale Manu dans le 6-9. Bonjour Mourad. Bonjour Cécile. Alors, vous êtes au micro d'une radio associative. J'ai envie de savoir si ça vous rappelle les souvenirs. Ah oui, ça me rappelle mes débuts en fait. Ça remonte un petit peu maintenant, hein. C'est en 95. J'étais lycéen à l'époque et j'ai commencé dans une radio associative à Bourges qui s'appelle Radio Résonance, qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Et c'est là-bas que j'ai fait mes premières armes après avoir été un auditeur forcené. J'avais vraiment envie d'en faire et j'ai motivé un de mes petits camarades de classe pour commencer à faire ce qui sera mon parcours radiophonique. Et alors, vous étiez en quelle classe ? J'étais en seconde. C'est au tout début du lycée. Et j'ai eu envie moi-même de faire de la radio. Donc on a été tapé à la porte de cette radio associative. Et on leur a proposé, on a griffonné un projet d'émission de radio à l'époque. Et on leur a proposé. Et puis ils nous ont dit OK. Donc on est resté là-bas 3 ou 4 ans, quoi. À l'époque, ce camarade qui s'appelle Francis Viel, qui fait toujours de la radio d'ailleurs. Ah oui, en effet. Voilà. Des excellentes émissions Soul sur le Move. Absolument. Était pas très chaud au départ. Et m'a dit, allez, on y va. Il était fan de musique, donc il m'a dit, c'est une bonne idée de faire de la radio. Donc on a commencé comme ça, je l'ai motivé. Puis finalement, ça a duré 3-4 ans, ouais, cette aventure. Et c'était une émission de quoi ? C'était une émission, alors nous deux qui étions vraiment fans de musique, c'était une émission où on voulait faire de la découverte. C'est le projet qu'on a proposé, voilà, faire des découvertes musicales. Et le directeur de la radio, qui était le président de l'association, nous a dit, alors c'est très bien votre projet, mais moi c'est pas ce que je veux, j'ai besoin d'une émission de live. Et comme je ne sais pas dire non, j'ai dit oui, parce que j'avais vraiment envie de faire de la radio. Et puis on a commencé comme ça, on a fait une émission de live, tous les samedis après-midi, pendant une heure et demie. Et puis à un moment, on a épuisé notre stock de live. Donc on a tranquillement changé cette émission en faisant vraiment celle qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire faire découvrir des musiques, des titres dans tous les styles possibles. Et alors quel rôle vous aviez, vous et Francis Viel, du coup ? Alors, on était tous les deux animateurs. Parce que la première porte d'entrée, quand on a envie de faire de la radio, c'est d'être animateur. Parce que c'est la chose la plus visible. Donc on était animateurs tous les deux de cette émission, chacun un peu spécialisé dans son domaine musical, et on réalisait l'émission à tour de rôle, un samedi sur deux. Je réalisais, il réalisait. Et puis ça a duré trois ans, sans savoir vraiment si on était écouté. Mais on s'en foutait. C'était très enthousiasmant déjà de commencer à faire de la radio, parce qu'on le fait quand on est sur cette radio associative-là, en tout cas, parce que je crois que personne nous écoutait. On le faisait surtout pour nous, surtout pour se faire plaisir et surtout parce qu'on avait cette envie plus que tout que de faire de la radio. Et alors pourquoi cette émission s'est arrêtée ? Alors cette émission s'est arrêtée parce qu'à un moment j'ai dû partir pour continuer mes études. Donc après le bac, je suis parti faire un DUT de technique de commercialisation. Et lui a continué pendant un an parce qu'il était sur Bourges et moi j'étais plus sur Bourges, donc j'ai dû arrêter, faire une pause pendant un an. Mais je continuais à suivre de loin cette émission qu'on avait créée tous les deux. Et elle a été reprise ensuite par d'autres animateurs ? Non, elle n'a pas été reprise. Ensuite, lui, son parcours l'a amené sur Paris pour ses études, je crois. Et il est arrivé à OuiFM en stage. Et moi, un an plus tard, je suis arrivé sur Paris. Et finalement, alors que je cherchais un travail, c'est lui qui m'a dit « Bah écoute, viens ici, je vais essayer de te faire rentrer ». Il a parlé de moi au directeur des programmes. Et le directeur des programmes m'a appelé et m'a dit « Écoute, je cherche un réalisateur ». Alors que je n'avais jamais réalisé de vraie émission de radio. Il m'a dit, viens faire des essais, j'ai besoin de quelqu'un pour le week-end, pour faire les samedis et les dimanches entiers. Et je suis venu, j'ai passé des essais tout un après-midi en 2000. Et puis ça s'est bien passé. Et puis on m'a dit, tiens, ça c'est la clé de la radio, tu viens samedi matin et puis tu commences. Alors, avant l'épisode de OuiFM, ouais. vous me disiez que vous faisiez donc un DUT de technique de commercialisation. Absolument. Donc en fait, la radio n'a pas du tout déterminé vos études ? Absolument pas. Moi, j'ai fait des... Alors, j'avais envie d'aller loin dans les études, mais surtout pour faire plaisir à mes parents. C'était finalement la condition sine qua non pour leur faire accepter que je continuerais loin dans la radio. Tant que ça ne prenait pas le pas sur mes études, tout allait bien à la maison, finalement. Donc, je pouvais continuer à faire de la radio. Et puis, je continuais mes études puisque ça rassurait mes parents. Mais à aucun moment... ça n'a eu une incidence sur mes études. D'accord, donc vous l'avez fait en fait, ce DUT. Ah, je l'ai eu et puis j'ai continué mes études aussi par la suite. C'est qu'à un moment j'ai fait un doc de droit derrière, j'ai repris tout, j'ai fait un doc de droit, j'ai fait une licence, une maîtrise et un DESS, ça s'appelait comme ça à l'époque, ça s'appelait, j'ai oublié le nom, Management des technologies de l'information et de la communication. Voilà. D'accord. Et donc, en parallèle, tout ça, toujours la radio. Toujours la radio. Alors, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, puisqu'il y a eu donc cette aventure OuiFM, mais il y en a eu plein d'autres derrière. Eh ben justement, on va raconter. Donc, justement, OuiFM, vous le faisiez le week-end. Je le faisais le week-end, pour commencer. Et puis, rapidement, j'adorais ça. Et puis, dès qu'il y avait un remplacement, dès qu'il y avait des vacances, dès qu'il y avait quelque chose à faire, je disais oui. Je ne sais pas dire non, en fait, quand il s'agit de la radio. Donc, on m'a absolument tout proposé. Je crois que j'ai fait toutes les tranches horaires sur cette radio. Les jours fériés, les dimanches, les jours de l'an, les réveillons, absolument tout. Et puis, à un moment, on fait ses preuves. Et alors que le directeur des programmes, quand il m'avait appelé, m'avait dit « Tu sais, j'ai les week-ends à te proposer. » Il n'y a pas grand-chose à faire, mais sache que je n'aurai rien d'autre à te proposer derrière. Finalement, l'envie a fait que, la motivation a fait que derrière, on m'a proposé plein de choses. On m'a proposé d'abord de faire le 9-13, à l'époque, avec une animatrice qui s'appelle Sandrine Vandel. Une grande animatrice. Et ensuite, la matinale, finalement. Donc, j'ai un peu tout fait, ouais, là-bas. Donc, en réalisation ? En réalisation uniquement, ouais. Et donc, vous n'aviez pas cette envie de reprendre un petit peu du micro ? Non, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sur une radio associative, la première porte d'entrée, c'est celle-là, c'est celle d'être animateur. Mais à un moment, on se rend compte aussi qu'on n'est pas forcément fait pour ça, qu'il y a d'autres métiers dans la radio. Et puis, j'aimais bien être derrière, moi. J'aimais bien l'idée d'avoir une vision extérieure, d'être en coulisses, d'avoir un avis sur la mise en onde, la mise en scène, la façon de faire de la radio. Je me sens moins à l'aise derrière un micro. D'accord. OuiFM, ça dure combien de temps ? Ça dure 6 ans. Ça dure 6 ans, ouais. Avec donc toutes les tranches possibles et imaginables ? Toutes les tranches et je termine par ce qu'est le Graal en radio, par la matinale, à l'époque avec Johan Rock. Qui est maintenant, je crois, sur RTL2. Et on fait ça pendant 2 ans. Et c'est... J'ai bien aimé cette période parce que c'est... Quand vous êtes réalisateur sur une... J'étais vraiment investi, en fait, dans la création de l'émission, dans la création du contenu. Et pendant 2 ans, on a tenu cette émission à bout de bras. Honnêtement, c'était passionnant. Je ne sais pas si on a réussi complètement à faire ce qu'on voulait faire. Mais j'ai adoré cette radio où on m'a donné ma chance à tous les moments de faire ce que j'avais envie de faire. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, ouais. J'aimerais que vous définissiez qu'est-ce qu'un réalisateur, parce qu'il y a des auditeurs, évidemment, qui ne connaissent pas forcément ce métier en radio. Qu'est-ce qu'un réalisateur de radio ? Alors, on a souvent tendance à limiter le travail du réalisateur à l'aspect technique. C'est le mec qui est derrière la console, quoi, le mec qui appuie sur les boutons. En réalité, moi, j'avais cette envie de mettre en scène les émissions, de mettre en onde les émissions. Moi, c'est bête, hein, mais en radio, on est souvent dans le détail. Et moi, je suis passionné par tous les enchaînements. Par la façon d'enchaîner 2 disques, la façon d'enchaîner un disque avec un jingle, d'enchaîner 2 auditeurs, d'enchaîner d'un sujet à l'autre. Et toute cette fluidité-là, toute cette rapidité-là, tout ce sens du rythme, c'est à mon avis ce qui font les qualités d'un bon réalisateur. Et en plus, un habillage antenne, donc il y a une question de création, en fait. Il y a une question de création, mais après, alors j'étais pas producteur sonore, ce qui est un peu différent. Mais j'ai un avis sur la question. J'ai un avis sur ce que j'ai envie d'entendre dans les émissions sur lesquelles je travaille. Et donc le réalisateur, il travaille évidemment avec les assistants de production, la direction. Il est un petit peu au centre de tout ça ? Il est au centre, il est surtout, et c'est à mon avis le plus important, en symbiose avec l'animateur avec lequel il travaille. Parce que d'un regard, d'un geste, on doit rapidement se comprendre. Et c'est essentiel pour que justement on ait ce rythme, qu'on ait cette efficacité dans les émissions. Oui, c'est important d'être en connexion tout le temps avec son animateur. En fait. Toujours d'avoir ce regard bienveillant sur le travail de l'animateur. Et de le compléter, de le comprendre. Et de le comprendre, de l'aider. Alors, OuiFM, ça se termine quand et comment ? Alors, ça se termine en 2006, en milieu de saison. Parce que justement, j'ai l'impression qu'avec l'animateur avec lequel je fais la matinale à l'époque, Johan Rock, que j'arrive pas à aller au bout de ce que j'ai envie de faire. Lui est très, et moi aussi, il a une grosse culture radiophonique, moi aussi, et j'ai l'impression qu'on se donne pas les moyens d'aller vers les modèles qu'on a. Les modèles qu'on a, c'est les modèles aux États-Unis, c'est plein de gens, hein. C'est Howard Stern, c'est Elvis Duran, c'est plein de gens. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas les moyens, peut-être, qu'on n'a pas la rigueur, qu'on n'a pas tout ça pour réussir à faire des émissions aussi fortes. En contenu, aussi forte en rythme. Et à ce moment-là, en milieu de saison, je décide de partir. De vous-même ? De moi-même et de dire stop, j'y arrive pas. On n'a plus la symbiose. Je décide de partir et de partir à ce moment-là, donc en 2006, en milieu de saison, à RFI qui m'ouvre les portes. Et est-ce que vous continuiez toujours ? On est toujours en parallèle avec vos études ou pas ? Oui, je suis toujours à la fin de mes études là. Hein. Mais comment vous arriviez à combiner le rythme quand même des études ? Parce que quand on arrive au DESS, il y a quand même un rythme d'études assez conséquent. Et la radio ? Alors, j'ai eu la bonne idée. Vous n'aviez pas de vie, c'est ça ? C'est ça, j'en ai toujours pas. Ma vie, c'est la radio. Et j'ai eu la bonne idée à ce moment-là de faire mes stages dans la radio dans laquelle je travaillais. Et donc, à ce moment-là, je suis le matin à la radio, en matinale, la journée en cours. Et à un moment, j'ai une longue période de stage et je décide de la faire dans cette radio-là, à OuiFM. Mais je suis déjà sur une autre radio, en plus, en même temps. En parallèle, il y a une boîte de production télé qui filme l'émission de Coé à cette période-là, qui me dit, tiens, on a besoin de quelqu'un pour faire du streaming à l'époque, pour diffuser en vidéo l'émission de Coé qui a lieu le vendredi, qui était un live avec plein d'invités. Et pareil, j'ai pas su dire oui. Donc tous les vendredis matins, je me suis retrouvé dans cette émission à pouvoir observer, à être un observateur privilégié d'une grosse émission. Et ça m'attirait beaucoup à un moment de voir qu'on pouvait faire des grandes choses comme ça. Et c'est peut-être une des choses aussi qui a fait que j'ai eu envie de partir parce que j'avais l'impression que dans la radio dans laquelle on était, on n'avait pas les moyens de faire des émissions aussi fortes, aussi grosses que celles que je voyais à l'époque. C'était sur Europe 2 et ensuite sur Fun Radio avec Coé. Et alors, donc il y avait donc cette boîte de production télé, mais donc vous venez d'arriver à RFI, vous passez dans le service public. Oui. Comment ça se passe ? Ça se passe formidablement bien. Je suis très bien accueilli par une personne qui s'appelle Renaud Amado, ça fait longtemps qu'on discutait ensemble, qui est un passionné de radio. Je suis un passionné de radio, donc on avait tout pour s'entendre. Et qui me disait souvent, quand est-ce que tu viens nous rejoindre à RFI, à Radio France Internationale? Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'aller voir comment se fait une radio qui est une radio plutôt d'information, radio généraliste, mais plutôt d'information. Et j'y vais pour réaliser la matinale et une émission de libre antenne sur l'actualité africaine. Et alors ? Et alors, c'est passionnant. Et alors, c'est magique parce que c'est une totale autre vision de la radio que j'avais jusqu'à présent. Moi, j'avais été bercé, j'avais commencé à écouter la radio vers 10-11 ans en écoutant Love in Fun, Fun Radio, Énergie et compagnie. Et là, même si j'écoutais beaucoup déjà les radios généralistes, même très jeune, là, ça m'a ouvert l'esprit. Déjà, il y a un truc à savoir qui est très important, c'est que Radio France Internationale, ça n'est pas Radio France. Donc, c'est le service public, mais c'est le Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères. Donc, quand vous êtes là-bas, vous êtes dans un monde. Alors, à l'époque, c'était à la Maison Ronde, hein, donc à Radio France, mais c'est vous êtes dans le comment dire. Dans le vous êtes en plein cœur de la diplomatie française. Vous êtes en plein cœur de ce qu'on appelle le soft power, en plein cœur de ce qu'est le bras armé de l'influence française à l'étranger. Alors, quand vous dites RFI à n'importe quel Français, je pense que ça ne dit pas grand-chose, parce qu'on ne l'écoute pas beaucoup en France, mais quand vous êtes en Afrique, beaucoup en Afrique, ça dit beaucoup. Ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup, c'est une radio qui est très écoutée, et dans le reste du monde aussi. Et alors là, ça devient passionnant, parce que là, vous comprenez la géopolitique, là, vous comprenez l'impact de ce que vous dites à l'antenne, l'impact de ce que vous montez à l'antenne, parce que je suis toujours réalisateur, et je fais du montage. Donc, il faut faire attention, il faut comprendre les pays et les personnes à qui on s'adresse, encore plus que ce qu'on le faisait en France, parce que justement là, il y a une vraie distance de culture, pour le coup. Vous êtes en France, vous vivez ici, en région parisienne, et vous n'avez pas le même vécu que les personnes, et pas la même culture, et pas la même histoire, que les personnes à qui vous vous adressez. Donc j'ai toute une culture à reprendre à ce moment-là. Mais c'est passionnant la diplomatie, la capacité de la France à exprimer ses idées à l'étranger. Et c'est tout ça que j'apprends là-bas, c'est tout ça. C'est le débat, le dialogue, mais sur des sujets qui pouvaient me paraître lointains à l'époque et qui deviennent en fait essentiels pour les gens qui nous écoutent. Et finalement, on fait de la radio que pour les gens qui nous écoutent. Donc c'était essentiel pour moi de me rapprocher des gens qui nous écoutaient à ce moment-là. Alors oui, vous avez fait des délocalisations, hein, il me semble. J'en ai fait une, j'en ai refusé beaucoup. Et pourquoi Parce qu'à l'époque, c'est tout bête, c'est que je suis un cumulard. Voilà. C'est que j'ai commencé à RFI, et quand j'ai commencé à RFI, j'ai quitté Oui FM, Manu Lévy m'a appelé et m'a dit « Je sais que tu travailles plus sur une radio musicale et j'ai besoin de quelqu'un pour faire des petites productions sur la matinale d'Europe 2, à l'époque, avec Nagui, donc l'émission Nagui et Manu. » Et je lui dis « Effectivement, je suis plus à Oui FM, donc je vais venir. Il n'y a pas de problème, je vais venir travailler avec toi. » C'était assez souple parce que je pouvais travailler de chez moi pour cette émission. Et comme je travaillais en parallèle pour cette émission, les délocalisations qu'on me proposait, qui étaient quand même superbes à RFI, je ne pouvais pas les faire. Alors c'est tout bête. Sinon j'y serais allé à chaque fois. Oui, parce qu'en parallèle il y avait encore peut-être plus les études, hein, mais il y avait encore des tirées. Non, il y en avait plus du tout quand même à l'époque. Hein, des études là, ça va. Quand non, même. Là je les avais finies, ouais. Je les avais finies. Ouais. Justement, donc on vient de finir les études, donc on va passer à la première pause musicale. Mourad Mokadam, qu'est-ce que vous avez choisi? J'ai choisi Daft Punk, Get Lucky. Alors pourquoi on l'a entendu toute cette année, toute l'année dernière, 2014? En fait, c'est un groupe qui a explosé en 95, au même moment où moi j'ai commencé la radio, avec Daft Punk, c'est leur premier hit. Et c'est un groupe qui a accompagné comme ça mon parcours, mon cursus radiophonique. Et il y a un truc que j'aime bien chez ce groupe, c'est qu'ils ont une capacité à être universelle. C'est-à-dire qu'on les joue sur toutes les radios, tout format confondu, musical déjà, ce qui est assez rare. Hein, un groupe qu'on est capable de jouer sur toutes les radios musicales, mais aussi sur les radios généralistes et à l'étranger aussi, partout dans le monde. Ça devient une culture commune. Et c'est rare. Et ils sont encore là 20 ans plus tard. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Giving. what is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Et les Daft Punk avec Get Lucky dans la mécanique des ondes, toujours sur Fréquence Protestante. Pour ce 10e épisode, je suis en compagnie du réalisateur de la matinale d'énergie, Mourad Mokadem. On s'est arrêté, vous étiez en pleine période RFI, oui. Avec quelques donc délocalisations, puisque bien RFI va sur place. Absolument, ouais, mais j'en ai fait qu'une, parce que j'en ai refusé quelques-unes, et j'ai dû accepter. Pour être honnête, parce qu'on m'a un peu forcé la main, on m'a dit si, il faut que tu y ailles. Et je ne remercierai jamais assez Renaud Amado, qui s'occupe des réalisateurs là-bas à RFI, je ne sais pas s'il le fait toujours, mais je crois que oui, de m'envoyer au Congo, Brazzaville, parce qu'il avait vraiment envie que j'aille voir sur le terrain comment se passent les émissions, et puis de voir l'Afrique, vraiment, de voir qui étaient les personnes qui nous écoutaient. Et j'ai halluciné de voir ce qu'était l'Afrique, parce que c'est un autre monde pour le coup, et de voir l'impact qu'avait une radio comme RFI, qui est une radio d'information, donc qui parle de politique, et parler de politique en Afrique, c'est pas la même chose que parler de politique en France, ça a pas les mêmes incidences, et je me suis plus rendu compte déjà de la masse de personnes qui écoutaient les émissions sur lesquelles je travaillais. Et ça m'a responsabilisé sur mon travail, sur tout ce que j'avais à mettre en onde, mettre en scène, sur la qualité des auditeurs qu'on mettait en ligne. C'est tout bête, mais quand vous avez vous faites un débat sur la politique en Afrique et que vous avez... donc vous faites parler les deux parties les deux bords politiques, si on entend très bien, je parle du point de vue sonore, un côté, un bord politique, et que l'autre, il y a des problèmes sonores, des problèmes techniques, des problèmes de téléphone, ça peut poser des problèmes de balance à l'antenne, d'équilibre, et on peut se dire, tiens, vous l'avez fait exprès. Mmh. Donc, ça m'a responsabilisé sur tous ces détails-là, sur faire attention à ce que tout le monde ait la parole, à ce que tout le monde ait bien la parole. Mais c'était magique à voir. C'était impressionnant de voir l'énergie qu'il y avait, parce que c'était en public, du coup, c'était plus une émission de libre antenne au téléphone. Les gens étaient là pour, et il y avait une force, il y avait une conviction dans les débats qui était même plus forte qu'ici en France, quoi. Vous parlez de qualité sonore. Est-ce que vous avez eu, même dans votre parcours en entier, des, que ce soit des directeurs d'antenne, des journalistes qui vous diraient la qualité sonore, on s'en fiche et je trouve que le rôle du réalisateur toujours est de dire mais non, la qualité sonore c'est primordial. Non, il n'y a pas de personne qui pense que c'est pas important parce que c'est extrêmement important. Le confort d'écoute, la qualité d'écoute derrière le poste, elle est primordiale. Parce que si un auditeur est dans sa voiture et doit faire un effort pour vous écouter, c'est désagréable et ça le poussera à zapper. Donc, à l'époque, la libre antenne s'appelait Appel sur l'actualité était animée par un journaliste, animateur qui s'appelle Juan Gomez. Et c'était constamment un souci pour lui. Qu'on entende bien les auditeurs qui passent à l'antenne. Que les idées exprimées soient bien entendues par tout le monde. Alors, RFI s'arrête en quelle année ? RFI, ça s'arrête, je crois, un an et demi plus tard, donc en milieu de 2007, je crois. Un an et demi après. Pourquoi ? Ça s'arrête, parce que j'ai fait un an et demi aussi en parallèle sur l'émission, sur la matinale d'Europe 2 et ensuite Virgin Radio avec Nagui et Manu, et que Manu me propose de le suivre à Fun Radio, et que je décide à ce moment-là de moins cumuler et de me concentrer sur une seule tâche. Et il me dit, ce que je trouvais être un gros challenge, d'aller sur Fun Radio, qui était la radio que j'ai écoutée en tout premier quand j'étais jeune collégien. Donc la boucle était bouclée à ce moment-là et j'avais envie de bien le faire. Donc je me suis dit, soit je fais bien RFI, soit je fais bien Fun Radio. Et j'ai choisi, c'est un choix, hein, c'est pas, voilà, il y a un moment où il faut juste choisir. J'ai choisi d'aller avec Manu sur Fun Radio. Et donc oui, vous faites donc la rentrée 2007 sur Fun Radio avec Manu. C'est ça, ouais, 2007 ou 2008, je me souviens plus très bien, mais c'est vers ces années-là, ouais. Et je fais la rentrée, ouais. C'était ça. Et puis c'était sa première émission solo, quoi. Donc il y avait quelque part il y avait un challenge, il y avait un truc nouveau qu'allait se faire sur cette radio. Et j'avais envie d'y être pleinement, quoi. D'aller m'y amuser pleinement et d'aller travailler pleinement. D'accord. Et quel est le challenge de cette nouvelle aventure radiophonique ? Alors, à ce moment-là, je suis plus réalisateur. À ce moment-là, je fais que de la production. Je fais un petit module par jour qui fait 30 secondes. C'est pas long, mais ça me prend mes journées. Je fais un détournement d'émissions de télé. Voilà. Tous les jours, je détourne une émission de télé. Ça pouvait être les infos, ça pouvait être Motus, ça pouvait être n'importe quelle émission, tant que c'était drôle. Voilà, c'est le truc de Manu, tant que c'est clair, compréhensible et drôle, on y va, on diffuse. J'y suis allé pour faire ça. Et du coup, j'ai fait ça pendant un an. Et ça vous prend toutes vos journées, en fait ? Ouais, ça me prend toutes mes journées parce qu'on a un souci de la qualité. On a un souci de le faire bien, on a un souci de se renouveler, de pas faire tout le temps la même chose, que les montages soient bien faits, que ce soit drôle, quoi, que ce soit pas laborieux à l'écoute. Et la suite ? Et la suite, à la fin de cette année, à la fin de la première saison, il me dit, est-ce que tu veux pas réaliser ? Voilà. Il n'y a pas, le premier réalisateur est parti et est devenu directeur d'antenne. Le deuxième, ça s'est plus ou moins bien passé. Il me dit, allez, j'ai envie que toi, tu le fasses. Et je lui dis oui. Bah oui, parce que Mourad Mokadem ne sait pas dire non. Il nous l'a déjà dit. C'est ça. En radio. En radio. En radio, d'accord. Je ne sais pas dire non. J'aime bien les challenges. Et alors, réalisateur de Manu Lévy, qu'est-ce que ça donne ? Réalisateur de Manu Lévy, c'est qu'est-ce que ça donne ? Ça donne. Je suis fan. Je m'amuse. Donc, je suis le premier spectateur, moi. Je suis aux premières loges pour m'amuser. Donc, on se comprend bien. C'est d'un regard, je comprends ce qu'il veut faire. Je comprends sa démarche. Donc, je suis là pour faire en sorte que lui s'éclate. Et faire en sorte, du coup, que les auditeurs s'amusent. Mais vous étiez fan, mais vous ne vous mettiez pas du tout la pression, alors ? Si, mais la pression, on l'a tout le temps, mais la pression, elle est positive. Quand on aime ce qu'on fait, quand on aime faire de la radio et quand on aime l'émission sur laquelle on travaille, quand on aime l'animateur, les animateurs avec lesquels on travaille, il y a une pression, oui, mais la pression, elle est positive. Vous faites une émission pour les auditeurs, mais vous voyez pas la masse d'auditeurs non plus. Donc, la seule chose que vous voulez, c'est faire une émission qui fasse marrer les gens. Et ça a été un petit peu difficile, hein. Au départ de Fun Radio, on n'a pas ça a pas tout de suite marché, mais dès la deuxième année, ça a pris, l'émission a pris son envol et on était très bien. On s'est vraiment amusé à faire cette émission. Et lorsque Manu Lévy part sur Énergie, c'est évident, vous faites partie du package ? Alors, c'est pas aussi simple. Donc, l'émission dure 3 ans sur Fun Radio. Et moi, j'ai fait le tour. Moi, j'ai fait le tour de mon travail de réalisateur. J'ai envie de passer à autre chose. Donc, j'essaie de voir, de rencontrer des gens, de voir plus loin. Et à force de discuter, on me fait une proposition à l'étranger. On me fait une proposition d'être directeur des programmes dans une radio au Qatar. Et alors ça, ça coïncidait bien avec ce que j'avais envie de faire. Parce que c'était une radio francophone. Et je me dis, tiens, j'aurais peut-être pas ce que je veux en France. Et là, on me le propose loin, là-bas, au Qatar. Et je me dis que c'est le bon moment. Parce que je sais pas à ce moment-là que Manu va partir. Pour l'instant, mon état d'esprit, c'est tiens, on va enchaîner sur une 4e saison à Fun. Mais j'ai fait le tour, moi, de mon rôle. Et ce rôle de réalisateur, pour moi, le costume est un petit peu... J'étais un petit peu à l'étroit à l'intérieur. J'avais envie de plus d'engagement. J'avais envie de plus peser dans la création de l'émission, dans la création du contenu, dans la responsabilité qu'on a de cette émission à l'antenne, de la mise à l'antenne de cette émission. Et à ce moment-là, je me dis vraiment, ça y est, je vais partir. Je vais partir au Qatar. On m'offre un poste dont, je pouvais même pas le rêver, ce poste. Mais je le voulais. Et je me dis, je vais partir. Et puis Manu me demande à me voir et me dit, voilà, écoute, ce qui va se passer, je crois que c'est en avril. Et il me dit, je pars à Énergie et j'aimerais que tu viennes et que tu sois producteur de l'émission. Et alors là, je me dis, merde. Ah, il s'est carrément dit merde. ouais, parce que d'un seul coup, en fait, tout ce que vous avez envie de faire, on vous le propose en même temps. C'est presque injuste. Alors, attendez. Il faut définir ce qu'est un producteur en différence d'un réalisateur. Ah ben, pour le coup, là, j'étais producteur exécutif de l'émission. Et il me dit, tu vas avoir la responsabilité de cette émission, la responsabilité d'une équipe, la responsabilité du contenu. Être responsable, mouiller le maillot et être engagé pleinement dans ce que sera cette émission. Sur Énergie. Donc, je ne pouvais pas rêver mieux, quoi. Qu'est-ce que vous vous dites alors à ce moment-là ? Eh bien, à ce moment-là, puisque j'ai ces deux propositions, je lui dis, laisse-moi une semaine. C'était la veille des vacances, je lui dis, laisse-moi une semaine, il faut que je réfléchisse. On m'a proposé autre chose, je lui dis pas quoi. Je réfléchis pendant une semaine. Et puis, la décision, je la prends assez vite, finalement. Et puis, une semaine après, je lui dis, écoute, je viens. On y va. C'est parti. On va passer à la seconde pause musicale. Mourad Mokadem, vous avez choisi du Stromae, mais laquelle ? J'ai choisi la première qui l'a fait exploser, Alors on danse. Et pourquoi ? Pareil, il a ce truc-là. Alors lui, alors il a un truc comme les Daft Punk, de ce côté un petit peu universel qu'on écoute partout, sur toutes les radios, sur tous les formats, et à l'étranger alors qu'il chante en français. Et alors ça, c'est fou. Parce que je me suis retrouvé à l'étranger dans des boîtes où on le diffuse. Et j'imagine que personne comprend ce qu'il dit. Et ça, c'est hallucinant de réussir à parler à tout le monde comme ça, de façon universelle. Je trouve ça dingue. Alors on dort. Alors on dort. Alors on dort. Qui dit études dit travail. Je te dis les thunes. Qui dit argent dit dépense. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Et lui dit assis dans la merde. Et qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Et dit famine et dit tiers monde. Et qui dit fatigue dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Et c'est la zique ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Toujours dans la mécanique des ondes, dans le 10e épisode donc de cette série radiophonique. On est aujourd'hui avec le producteur de la matinale d'énergie, Mourad Mokadem. On est parti sur énergie alors que vous avez refusé un poste au Qatar. Emmanuel Lévy, lui, vous embarque en tant que producteur donc, ouais, de l'émission. Absolument. Toujours à la réalisation. Justement, donc, du coup, ça fait combien de temps maintenant? On a entamé la 4e saison, là. On est en plein milieu de la 4e saison à énergie. Voilà, ça fait 4 ans maintenant que je suis producteur de cette émission. D'accord. Et comment votre poste justement a évolué, parce que vous êtes donc vous ne tenez pas en place et vous avez dû forcément un petit peu récupérer des choses à droite et à gauche. J'ai appris surtout à être producteur d'une émission de radio, d'une grosse émission de radio, parce qu'on est une équipe d'une dizaine de personnes, 10 personnes, ouais. Et j'ai appris à manager une équipe. J'ai appris à encourager une équipe, à avoir un avis tranché sur le contenu. Manu n'amène pas que moi à énergie, il amène d'autres personnes, Oriane notamment, qui faisait le standard, qui a commencé à faire le standard aussi à énergie. Et je passe d'un niveau, je passe de réalisateur, on avait tous un rôle à Fun Radio, à celui de manager quelque part. Donc je dois endosser un nouveau costume. Et c'est ça que j'apprends essentiellement à énergie, à vraiment avoir un avis tranché sur les choses, à dire oui, à dire non. C'est ça le plus dur. Oui, justement, est-ce que ça vous plaît ce côté management? Ah ouais, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit oui. C'est parce que j'avais envie de ça. J'avais envie de faire des choix et d'être comptable de ces choix au moment où il faudra l'être ou au moment où il faut l'être. Et c'est souvent au moment des sondages. Mais jusqu'à présent, ils nous ont plutôt souri. Il y a un truc, c'est qu'avec Manu Lévy, vous apprenez beaucoup. J'ai appris beaucoup sur la radio. J'ai appris beaucoup sur la façon de produire une émission, de construire une émission, de rythmer une émission. J'ai appris beaucoup sur l'humour. J'ai vraiment appris. Donc j'ai cette chance, en fait, d'être en même temps un manager, mais quelqu'un qui est encore en apprentissage. Et j'ai la conviction qu'a priori, je devrais toujours apprendre. Alors, personne n'écoute cette émission, alors vous allez nous dire la suite? La suite, je ne la connais pas. Alors, là, c'est simple. Hein. Pour l'instant, on fait cette émission et je suis très content de la faire. Je me rêve en un jour directeur d'antenne, un jour directeur des programmes, mais c'est pas le moment, pas encore. La mécanique des ondes. Bonjour mon cher Mourad, en tant que minorité visible, pourquoi tu ne fais que de la radio? Question d'Éric Lange, notre précédent invité de la mécanique des ondes, qu'est-ce que vous lui répondez? Alors c'est marrant de me considérer comme minorité visible, déjà, parce que moi je me considère pas comme ça. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis pourquoi ne faire que de la radio? Parce que je ne sais faire que ça. Et parce que je suis un passionné de radio, j'ai l'envie de faire de la radio, c'est ce qui m'anime moi au quotidien, donc voilà, deux bonnes raisons pour continuer à faire de la radio. C'est parti pour le questionnaire rapide avec une petite nouveauté. La première question devient une radio qui vous accompagnait dans votre enfance. Fun Radio. Quelle radio vous réveille le matin? Ah, il y en a plusieurs. Si je devais en choisir une, ce serait RMC. RMC parce que comme je me lève très tôt pour aller à énergie. À quelle heure vous réveillez? Je me lève à 4 heures. Et donc le temps que je sorte de chez moi dans la voiture, la première radio que je mets, qui n'est pas la première, qui n'est pas la seule à être en direct à 4h30, c'est RMC, mais c'est celle que je trouve la plus vivante à ce moment-là. Quelle radio vous endort le soir ? Alors déjà, c'est pas un compliment, une radio qui endort. Mais s'il y a des radios que j'écoute le soir, j'aime bien Coé, j'aime bien Difool. Je suis grand client de deux. J'aime beaucoup ce que fait Frédéric Taddeï sur Europe 1. J'aime bien ce que fait Thomas Hugues aussi. J'aime bien ce que fait Christophe Paco sur RTL. J'aime plein de choses. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? En voiture, toujours. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? Il n'y a pas d'endroit où j'écoute pas la radio. Il y a des moments où j'écoute pas la radio. Et ces moments, c'est souvent des moments où je suis pas tout seul. Parce que la radio, me parle directement. Et je pense que les gens qui nous écoutent prennent la radio de façon individuelle. Et dès que je suis pas tout seul, mais je l'écoute pas. Moi, en tout cas. Votre meilleur souvenir de radio, s'il y en a qu'un à retenir ? S'il y en a un, c'est d'être devenu première radio de France avec Énergie. Ce qui est fou, c'est qu'on est arrivé à Énergie sans savoir si ça allait marcher, sans savoir si ça allait coller. On s'attendait à ce que l'audience baisse puisque c'était un changement radical d'animateur. L'audience n'a fait que augmenter depuis qu'on est arrivé. Et puis à un moment, vous êtes première radio de France devant RTL. Et ça, c'est vertigineux. Votre pire souvenir de radio ? Mon pire souvenir de radio, c'est quand j'ai quitté Oui FM. Parce que j'ai quitté, pas fâché, mais j'ai quitté la radio en désaccord avec l'animateur avec lequel je travaillais. Et un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio ? C'est d'avoir envie. D'avoir envie, voilà. C'est tout bête. C'est que quand on a envie, a priori, rien ne peut vous arrêter. Oh, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, quand même, c'est quoi. Bien. Ouais, c'est pas mal pour ce 10e épisode, là. C'est pas mal du tout. Mourad Mokadam, on vous retrouve donc à la production de la matinale d'Énergie. Donc, vous vous levez très très tôt demain matin. C'est ça, à 4h. Voilà, et on vous retrouve donc entre 6h et 9h avec Manu Lévy. Avec Manu Lévy, ouais. Avec Manu, Mélanie, Oriane, Nico du Web. Eh bien, écoutez, bonne continuation et merci à vous. Merci beaucoup.